Arrière-cuisine. Un poème de Michel Vanini, avec son aimable autorisation. La lumière est dehors. Elle coule contre les vitres. Le verre a gobé la lumière et la retient dans ses grains de sable fondu. Dans l'arrière-cuisine, les couleurs cuisent lentement et dessinent des attentes frémissantes. Dans l'arrière-cuisine, se fabriquent les pensées douces qui calment les souffrances. Elles glissent au fond des grands vases et le long des murs. Alors on parle aux murs et les murs vous répondent. Dans l'arrière-cuisine, on vient pleurer sans bruit des larmes qui sentent la pomme et la terre humide. On cache ses chagrins dans les bocaux fermés et puis on les oublie. Un jour on les retrouve, croyant manger de la confiture. Dans l'arrière-cuisine, les ombres écrivent leur impatience sur la peau épaisse des oranges immobiles. Les ombres accrochent des odeurs de lumière au bord des précipices. Elles creusent des chemins de souvenirs dans le silence mordoré. Dans l'arrière-cuisine, la mémoire du temps sature l'air de battements de cœur infinis. Le passé des vies révolues emplit les récipients d'une mousse de chuchotement. Quand il passe dans l'arrière-cuisine, le temps s'arrête. Il devient le lait blanc dans la jatte. Et l'instant fugitif se change en éternité. Dans l'arrière-cuisine, on fait revenir le temps dans des casseroles de cuivre. On l'oublie sur le feu et le temps déborde, s'évapore jusqu'à n'être plus que l'odeur du temps passé.